Château-Gontier, une ville fleurie. Depuis plus de 30 ans, la ville de Château-Gontier-Bazouges poursuit son engagement en faveur du patrimoine local à travers un embellissement varié, adapté au cadre de vie et une gestion environnementale raisonnée. Récompensé par le Grand Prix national du fleurissement et ses quatre fleurs depuis 1992, la ville a su adapter et valoriser ses espaces publics tout au long de ces années. Pour conserver ses titres, de nombreux aménagements de fleurissement et d'environnement sur la ville sont régulièrement réalisés. En juillet 2016, le jury national du label des villes et villages fleuris est venu visiter Château-Gontier-Bazouges. Pour l'occasion, le service des espaces verts avait établi un circuit de découverte afin de présenter la ville sous toutes ses formes. De l'hôtel de ville et de pays au parc de Loisillière, en passant par le jardin des Ursulines ou bien encore le jardin de la piscine et celui du bout du monde, le jury a terminé son tour sur le quai d'Alsace. À la suite de cette visite, le jury a délibéré et décidé en séance plénière que la ville de Château-Gontier-Bazouges conserverait ses quatre fleurs du label « Ville et village fleuris ». Le verdict a tenu compte de la qualité du patrimoine paysager et végétal, du développement durable, de l'aménagement urbain et des actions d'animation et de valorisation touristique. Pour la première fois, la ville également a été récompensée par le prix de la mise en valeur du patrimoine. Ce dernier incite les communes à développer des réalisations alliant un aménagement végétal soigné et une recherche sur l'agencement des espaces patrimoniaux. L'entretien des nombreux jardins de la ville permet une réelle mise en valeur du paysage végétal. Depuis le mois de mars, le jardin des senteurs a adopté une nouvelle apparence. Ce dernier est passé à 514 m² grâce à l'acquisition d'une parcelle appartenant autrefois au jardin des arts. Laissé en friche depuis plusieurs années, cet espace a été réaménagé, permettant ainsi la création d'un chemin reliant le jardin des senteurs au jardin médiéval. Le label Ville et Village Fleuris. De quoi s'agit-il? Association Loi 1901, le Conseil national des villes et villages fleuris a été créé pour inciter les communes et les collectivités territoriales à améliorer leur cadre de vie, préserver et valoriser leur patrimoine et espaces naturels, dans le double but de favoriser l'accueil des touristes et la qualité de vie des habitants. Il convient par ailleurs de préciser que Château-Gontier et son pays sont classés parmi les 100 plus beaux détours de France depuis 2006. C'est le seul territoire de la Mayenne à faire partie de ce cercle prisé dans lequel les villes fleuries sont très appréciées.